Bonjour à tous. En premier lieu, je vous prie de bien vouloir excuser Stéphane Monnet qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous présenter nos réflexions sur les portus du Guadalquivir qui ont fait l'objet de mon Master 2 cette année. Stéphane et moi remercions chaleureusement les organisateurs de nous avoir invités à ce colloque. Entre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ, la province hispanique de Bétique et ses ports d'Hispalis et de Gadès ont connu un développement économique spectaculaire, marqué par l'exploitation des richesses locales que constituaient les métaux, les produits de l'agriculture, ainsi que les saumures et sauces de poisson. Située à l'extrémité sud-occidentale de l'Empire romain, cette région fertile était, grâce à la Méditerranée et à l'Atlantique, en contact étroit avec les provinces des Gaules, des Germanies et de Britannia, ainsi qu'avec l'Italie. Le commerce maritime constituait pour la Bétique une source d'enrichissement considérable qui a largement profité à ses élites. Au sein de cette province, la vallée du Guadalquivir constitue sans doute la région la plus dynamique, comme le rapporte notamment Strabon. Cette affirmation est aussi confirmée par le fait que la capitale provinciale, Cordoba, se trouve au bord du Bétis. Nous ne nous attarderons pas ici sur les caractéristiques de ce fleuve et de son delta, pas plus que sur les questions de navigabilité qui ont déjà fait l'objet d'analyses poussées et qui ont été hier présentées dans le cadre de ce colloque. Nous tenterons en revanche, au moins pour ce qui concerne le transport et le stockage des amphores à huile Dresselvin, de déterminer dans quelle mesure le système de portus mis en place à l'époque flavienne témoigne du caractère extrêmement structuré des échanges dans la partie inférieure du Guadalquivir. L'huile d'olive contenue dans les amphores Dresselvin constitue un produit emblématique de la prospérité de la Bétique. Elle a été massivement diffusée dans toute la partie nord-occidentale de l'Empire, des bouches du Rhône jusqu'au mur d'Adrien pendant plus de 3 siècles, et ce, à partir de l'époque augustéenne. Les recherches et travaux sur sa diffusion dans l'Empire et sur l'organisation de ce commerce sont considérables depuis l'œuvre pionnière d'Heinrich Dressel et permettent aujourd'hui de bien cerner ce phénomène historique majeur. Ce commerce est notamment illustré par plus de 2500 timbres différents et des centaines de marques peintes ayant livré les noms de 400 marchands. À Rome, ville qui comptait 1 million d'habitants au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, la Bétique a constitué pendant 300 ans la principale source d'approvisionnement en huile de la population. On estime que 86 millions d'amphores Dresselvin de Bétique ont été importées dans cette seule ville, une partie d'entre elles formant le Monte Testaccio, formidable dépotoir de 46 mètres de haut et de 2,2 hectares de superficie situé en bordure du Tibre. Depuis plus de 150 ans, l'attention des historiens de l'économie antique s'est surtout focalisée sur les lieux de consommation et les routes maritimes qui, depuis Hispalis, étaient empruntées par les Corbitae, transportant, entre mars et octobre, les amphores à huile à destination de Narbonne, Arles et Rome principalement. Les timbres et les tituli picti ont fait l'objet d'une multitude d'études et l'on peut aujourd'hui considérer, à la lecture du livre qu'André Tchernia a récemment publié sur ce sujet, que les mécanismes de commercialisation sont appréhendés de façon satisfaisante. La connaissance que nous avons de la partie amont de ce processus, qui comprend à la fois la problématique de la production d'huile et d'amphores, mais aussi la question de l'acheminement de ces dernières, de leur lieu d'embarquement sur les berges du Bétis et du Djenil, jusqu'au port fluvio-maritime d'Hispalis, est en revanche très insuffisante. Donc, dans ce secteur que nous voyons ici, qui correspond au triangle de navigabilité défini par Michel Poncich, en plus d'une centaine d'ateliers d'amphores, se trouve également un grand nombre de villas et d'établissements ruraux, mais surtout un certain nombre d'agglomérations importantes situées le long du Guadalquivir et de son affluent principal, le Djenil. Parmi ces centaines d'ateliers, seulement 5 ont fait l'objet de fouilles. Seules les agglomérations de Kelti, l'antique Peñaflor, qui se trouve ici à la confluence du Djenil et du Guadalquivir, Arva, qui se situe par ici, et Astigi, l'antique Essirac, ont été explorées à travers des interventions archéologiques plus ou moins importantes. Les lacunes de la recherche sont donc assez profondes, et il faut également souligner le caractère presque dramatique de la situation, puisque depuis le constat de Michel Poncich, dans les années 1970, les destructions de sites antiques et en particulier d'ateliers d'amphores n'ont fait que s'accentuer. Ce fait est imputable dans une moindre mesure au mouvement du Guadalquivir, mais surtout à la mécanisation de l'agriculture et aux multiples actions de nivellement et de remembrement des terrains. Cela explique la destruction irrémédiable de vestiges matériels dont seule l'étude permettrait d'avancer dans la compréhension de l'organisation de la production et de la diffusion des Dresselvins. Ici, nous voyons l'exemple d'un atelier, c'est l'atelier d'El Sotillo dans la province de Cordoue qui a été arraché par le Guadalquivir. Dans le cadre d'un programme de recherche en cours sur les ateliers de Dresselvins de la vallée du Genil, donc toute cette partie ici, qui est réalisée dans le cadre du LABEX Archimède de Montpellier, nous avons été amenés à nous interroger sur les différences entre cette zone de la vallée du Genil et celle située en aval de Kelty, l'antique Peñaflore. Dans ce secteur, en effet, et jusqu'à Brenes, une partie des timbres sur Dresselvins livre en particulier et sous différentes formes abrégées le terme portus. Alors que le long du Genil, mais également entre Peñaflore et Cordoue, aucune estampille ne comporte ce mot. Comment peut-on interpréter une différence aussi marquée ? Serait-elle simplement à mettre en relation avec une façon spécifique de désigner un certain nombre de centres de production et quelles en seraient les raisons ? Un autre aspect de la question des portus est celui de leur lien éventuel avec le port fluvio-maritime d'Hispalis. Était-il intégré dans un vaste système qui, du cœur de la basse vallée du Guadalquivir jusqu'à l'embouchure du fleuve, permettait le stockage pendant la période de fermeture de la navigation maritime d'une quantité considérable d'amphores, vides ou bien remplies d'huile ? La trentaine d'ateliers du Genil ayant été finement caractérisés à l'occasion de prospections pédestres, réalisées dans le cadre de notre programme de recherche, il nous a paru intéressant de commencer des investigations sur cette zone des portus en appliquant la même méthodologie, c'est-à-dire en définissant, grâce à une série de descripteurs précis, la superficie des sites, les densités de mobilier rencontrées et la chronologie des productions. En effet, jusqu'à présent, l'analyse des ateliers a toujours été réalisée à partir des corpus des timbres qui y sont rattachés et jamais à partir des données matérielles disponibles autres qu'épigraphiques. Ce sont donc les résultats préliminaires de ces recherches en cours que nous allons vous présenter. Les prospections menées depuis plus de 100 ans sur les centres de production ont permis de recenser le terme portus sur les timbres de 15 ateliers d'amphores, Dresselvins parmi la centaine actuellement connue. Sur 2540 familles de timbres répertoriées par Piero Bernimillet en 2008, seulement 138 mentionnent l'élément portus sous les formes abrégées PORT, POR, PO et P. Ce total représente seulement 5% des timbres connus sur Dresselvins. Les chercheurs qui ont travaillé sur ces estampilles ont donné des lectures et des interprétations de ce terme qu'il importe de présenter rapidement. La référence au lieu de production dans l'instrumentum inscriptum est un phénomène bien connu, en particulier dans l'épigraphie de l'opus d'Oliare de l'industrie des briques de Rome. Leur mention explicite est en revanche beaucoup moins répandue et même insolite dans l'épigraphie des amphores romaines. Il s'agit toutefois d'un élément particulièrement important dans le timbrage des Dresselvins, qui peut s'exprimer de différentes façons. Du plus général au plus précis, les termes employés sont le nom d'une ville, portus, fundus, figlinae et officina. Parmi ces termes utilisés dans le timbrage des Dresselvins, portus constitue une spécificité de la vallée du Guadalquivir, dans la mesure où aucun autre type d'amphore n'a livré ce mot. Comme les autres termes, fundus, figlinae et officina, le mot portus peut être associé à des noms de lieux, mais aussi à des noms de personnes. Le développement de ces lettres en portus a été donné pour la première fois par Heinrich Dressel à la fin du XIXe siècle. Dans le volume 15 du corpus des inscriptions latines, celui-ci s'appuya sur la signification qu'il avait donnée à ce mot lorsqu'il l'avait rencontré sur les briques de Rome. Ainsi, la présence du terme POR et PORT dans le texte de certains timbres aurait désigné un portus qu'il faudrait interpréter comme un entrepôt. En 1899, Hübner observe également que dans le texte d'un certain nombre de timbres est indiqué le terme portus. Il apparaît sur les estampilles sous des formes abrégées PORT, POR, PO ou P. Si l'on accepte le développement du timbre parva en portus arvae. Sans connaître le lieu de production, Hübner propose un raisonnement séduisant sur la signification des lettres PA et PC à la fin des les estampilles TA Asiatici PA et TA Asiatici PC. En cédant des timbres Port Arva et Port Carmo, il émet l'hypothèse que le timbre doit être développé sous la forme tria nomina plus portus et suggère que les lettres finales PA et PC correspondent respectivement à Portus Arvae et à Portus Carmonensis. De son côté, Georges Bonsor, qui a prospecté les ateliers du Guadalquivir à la fin du XIXe siècle, pense que le mot portus désigne non seulement les quais riverains où les embarcations allaient charger et décharger les marchandises, mais aussi le passage, l'écluse, le mot espagnol puerto possédant selon lui ce sens. En 1965, tout en précisant que la présence du terme portus sur les amphores est une spécificité du sud de l'Espagne, Calander se range à l'interprétation du terme portus comme magasin ou entrepôt. La découverte de l'atelier de l'Acatria par Remesal dans les années 1970 a constitué une étape importante dans la réflexion sur les portus. En effet, ce site, dont la taille estimée est de 20 hectares, serait le plus grand centre de production de Dresselvin. Près de la moitié des estampilles présentes sur cet atelier mentionnent le terme portus au travers des lettres P, PO et POR. Ce portus et la série d'ateliers qui l'entourent pourraient être liés à l'agglomération d'Odoucia, comme semble montrer l'existence du timbre Port ODV trouvé sur ces sites de production. Remesal écarte en premier lieu l'idée d'une définition purement topographique d'embarcadère ou de port qui est parfois attribuée au mot portus. Il souligne que chaque atelier de Dresselvin devait posséder son propre embarcadère. Les timbres Porto et Populi associés sur les deux anses d'une même amphore ou dont les textes apparaissent sur le même timbre donnent selon lui les clés de la compréhension du terme portus. En effet, pour lui, le terme Populi fait référence à la plèbe de Rome. Ces timbres seraient donc à mettre en relation avec l'administration impériale de la nonne. Cette estampille ne serait pas connue ailleurs que sur le Monte Testaccio, ce qui constitue, selon lui toujours, un argument en faveur de cette hypothèse. L'estampille Populi a été découverte dans une fouille de Heinrich Dressel, accompagnée de Tituli Picti de la Ratio Fisci. Remesal suggère que les timbres Porto et Populi sont datés de l'époque sévérienne et correspondent à des confiscations impériales du début du IIIe siècle. Cependant, la question est aussi de savoir si l'huile provient des terres appartenant à l'administration impériale ou si elles sont simplement achetées et transportées par le fisc romain. En définitive, pour Remesal, le terme portus désigne un entrepôt contrôlé par le fisc. Il s'agirait de grands bâtiments qui réunissaient une quantité suffisante d'huile pour alimenter la nonne. Dans son ouvrage, consacré à la navigation sur le Guadalquivir à l'époque romaine, Chic Garcia propose que le terme portus soit une désignation géographique pour indiquer qu'à côté de l'atelier où a été fabriqué l'amphore se trouve une écluse ou un port fluvial. De son côté, dans son ouvrage consacré aux Tituli Picti et à la production amphorique, Rodriguez Almeida estime que tous les ateliers possédaient un portus, qui appartenait à un seul propriétaire, mais qui pouvait être partagé entre les ateliers. En 1994, dans un article fondamental, Bernard Liu et André Tchernia sont revenus sur les interprétations de Remesal à propos de l'Acatria. Ils ont montré que le timbre Porto Populi doit être en réalité traduit par l'entrepôt du peuplier, et qu'il n'a donc rien d'annonaire. Il conclut que le terme portus doit être, comme sur les briques romaines, un substitut du terme figlina. Dans leur magistrale synthèse sur l'huile hispanique, Robert Etienne et Françoise Maillet se sont rangés à ces conclusions et ajoutent cependant que ce terme est également lié à la présence d'un port et qu'il renvoie aussi à l'existence, sur ces figlinae et portus, de vastes entrepôts. Dans sa thèse, publiée en 2008, Piero Bernimillet fait d'abord remarquer que le terme de portus, figurant sur les briques, ne se substitue pas à celui de figlinae, mais que les deux termes figurent parfois sur une même inscription. Il observe également que les ateliers ayant livré des timbres avec le terme portus se trouvent entre Alcalá del Río et Peñaflor, et note aussi que la grande majorité d'entre eux se situe à proximité d'une agglomération antique. Piero Bernimillet souligne que ces considérations indiquent que le terme portus semble remplacer celui de figlina comme lieu de fabrication, d'entrepôt, de contrôle et d'exportation des amphores, mais dans un cadre de plus grande envergure et avec un caractère municipal. En effet, Il fait très justement remarquer que l'apparition du mot « portus » sur les timbres est datée du début des années 70 après Jésus-Christ, et il propose de la lier à la politique de municipalisation de Vespasien dans le but de mieux contrôler et d'administrer certains ateliers dans le cadre de la nonne. Des installations de grande ampleur auraient été construites pour augmenter les capacités de production et donc d'exportation. Il est en effet remarquable d'observer, lorsque l'on ordonne les données disponibles, que parmi la quinzaine d'ateliers connus, la presque totalité démarre à cette époque. Soit en mentionnant immédiatement le terme portus, soit en l'utilisant plus tard. Une autre remarque concerne la relative concentration de l'usage de ce terme à l'époque flavienne et sous Trajan. Enfin, on remarque que la Catria est le seul centre de production à avoir livré des timbres avec la mention portus dont la chronologie s'étend pendant toute sa durée de fonctionnement. Sans doute faut-il lier ce fait à sa taille, car dans le détail, on se rend compte que lui aussi a surtout été très actif à la période flavienne. Les recherches de terrain que nous avons menées en 2014 et 2015 sur une partie des ateliers de Dresselvin sur lesquels le terme portus a été employé dans le timbrage des amphores ne sont pas achevées, mais ils permettent d'ores et déjà de montrer que ces sites couvrent des superficies égales ou supérieures à un hectare. Il s'agit donc de complexes étendus, certains atteignant les 3 hectares. Les ramassages de mobilier et les zonages réalisés indiquent qu'il est impossible de localiser dans le périmètre de ces sites des zones spécialisées pouvant par exemple correspondre à des entrepôts. On construisait la base des murs en terre avec des tessons de Dresselvin et ceux-ci recouvrent uniformément les secteurs de production où se trouvent les fours, les zones de dépotoir, les bâtiments et les huileries potentielles. Cette réalité a été systématiquement observée sur la trentaine d'ateliers de la vallée du Genil, mais également lors des investigations réalisées sur les 5 ateliers qui ont fait l'objet de fouilles. Parmi la quinzaine de sites de ce corpus, 11 se répartissent en 4 groupes. De l'amont vers l'aval, nous avons tout d'abord le secteur de la Catria qui est rattaché au Portus Odusia. Le secteur du Portus Arva avec son quartier suburbain artisanal qui se localise sur la rive du Guadalquivir et où des fouilles ont été réalisées par Remessal. Avec de l'autre côté du fleuve, l'atelier de Tostoneras. Sur le site de Tostoneras, les ramassages ont notamment livré une belle série de bassines utilisées pour la production des Dresselvins, mais surtout les preuves matérielles d'une production locale de dolium qui n'avait jamais été détectée. Que ces dolia étaient destinés à la production d'huile sur le site, à l'équipement d'entrepôt pour le stockage de l'huile provenant des fundis environnants avant sa mise en amphore au début du printemps. Nous avons également le troisième secteur, le secteur du Portus Carmona, avec les ateliers de Juan Barba, d'Adelfa et de Guadarros, qui se trouvent à la confluence antique du Rio Corbones et du Guadalquivir. Ici, nous avons une photographie aérienne qui montre la restitution de l'ancien méandre du fleuve, qui a été réalisé à partir des cartes anciennes et des photographies aériennes. Ici, nous sommes sur le secteur de la Catria, où nous pouvons observer, grâce notamment aux parcellaires et aux images satellites, un ancien méandre du Guadalquivir, que nous pouvons dater de l'époque romaine, lorsque nous le superposons aux ateliers d'amphores Dresselvin, qui se superposent très bien à cette image satellite. Et enfin, nous avons le dernier secteur, c'est la zone de Villars de Brenes et Cruz Verde qui se trouve sur le territoire du municipe d'Ilipa Magna. Les 4 sites restants sont isolés et ont seulement livré quelques timbres dont on peut se demander s'ils sont bien locaux. Ils devront faire l'objet de prospections complémentaires. L'un de ceux-ci a cependant livré des informations inédites qui peuvent être présentées. Situé à 2,5 km à vol d'oiseau du Guadalquivir, le site d'El Marchante, le plus au nord des 15 prises en compte, avait été considéré comme une villa par Michel Poncich à cause de son éloignement du fleuve. Il est installé sur un plateau et aucun cours d'eau proche ne permet de le relier au Bétis. Cet argument avait été repris par Pierrot Bernier-Millet pour confirmer que le terme portus avait aussi le sens d'entrepôt. Poncich, comme Bernie, considérait en effet qu'il s'agissait d'une zone de stockage de Dresselvin remplie d'huile, liée à une villa, alors même que les timbres locaux ne se rencontrent nulle part ailleurs. Ce site a livré, lors des prospections de 2014, des éléments matériels caractéristiques d'un atelier. Outre des rebuts de cuisson de Dresselvin, Les ramassages de surface ont en effet livré des bassines destinées à la production des dresselvins. Ce sont des objets que l'on ne trouve que sur les ateliers, ces bassines, ainsi que des fragments de fours vitrifiés. Enfin, une probable production de dolium a pu être également mise en évidence et qui constitue une grande nouveauté et complète les données de Tostoneras. Le site comprend par ailleurs deux pôles distincts, l'un où se trouvent les vestiges de l'atelier et l'autre où n'ont été vus que des éléments appartenant probablement à des fours de tuiliers. Aucun reste de villa n'a été observé et les briquettes d'Opus Spicatum vues par Poncich pourraient appartenir au sol d'une salle de pressoir oléicole semblable à celle fouillée en 2014 à l'Es Delicias par notre équipe. Ce site est extrêmement intéressant car il constitue une anomalie au sein de notre corpus, ayant utilisé le terme portus dans le timbrage des dresselvins. Ce dossier montre qu'il convient de prêter davantage attention aux données archéologiques lorsque celles-ci sont rassemblées dans un cadre scientifique rigoureux et confrontées à d'autres établies selon le même protocole. Pour conclure, nous voudrions d'abord exposer les éléments les plus assurés de ce dossier avant de proposer une interprétation, qui n'est que préliminaire et reste bien évidemment ouverte aux critiques et aux discussions. Je vous présente donc les principales informations livrées par le terme portus sur les amphores dresselvins. Alors le premier, c'est le terme portus qui apparaît donc sur les timbres de dresselvins au début de l'époque flavienne. Ce terme est associé à des noms d'agglomération du Conventus d'Hispalis, devenu municipe à cette époque. Il est aussi associé à des noms de personnes, propriétaires de Figlinae ou responsables de production pour ces derniers. Ces deux types de timbres, ceux associés à des toponymes et ceux qui sont associés à des noms de personnes, peuvent coexister au sein d'un même lieu de production, ce qui implique que le terme portus recouvre surtout un sens juridique et peut-être même fiscal. Le terme portus, sur les timbres toujours, il est spécifique à la bétique et plus particulièrement à un secteur qui se trouve en amont d'Hispalis. Ce dernier point est important car si portus était synonyme de figlina, il se rencontrerait sur les timbres de l'ensemble du bassin de production. Alors, ce que nous savons grâce aux recherches de terrain sur les ateliers. Premièrement, c'est que les ateliers sont tous de taille importante. Et parmi eux, nous avons l'atelier de l'Acatria qui est le plus grand complexe amphorique connu actuellement dans le monde romain. L'atelier d'Almarchante montre que l'utilisation du terme portus n'est pas liée à la présence d'infrastructures de type port fluvial. Ces structures devaient exister pour tous les sites de production installés sur les berges du Guadalquivir et du Genil. En définitive, nous pensons que le terme portus, lié géographiquement au Conventus d'Hispalis, implique l'existence d'un système complexe qui, à partir de l'époque flavienne, organise une partie de la production et du stockage des amphores sur une série de sites se trouvant à l'amont de ce grand port fluvio-maritime. Les municipes situés dans ce secteur et dont les territoires touchent les berges du Guadalquivir sont directement impliqués dans ce système visant à échelonner sur une trentaine de kilomètres des stocks d'amphores et donc d'huile. Ces portus n'accueillent pas d'amphores d'autres centres de production. Ceux-ci sont fort nombreux et se trouvent en amont, car sinon on y trouverait une multitude de timbres résultant des casses inévitables provoquées par l'existence de tels stocks répartis sur presque deux siècles. Il ne s'agit donc pas seulement d'entrepôts ou bien de grands ateliers, mais bien de complexes mixtes destinés à soulager Hispalis, mais aussi à garantir, grâce à l'implication de plusieurs municipes de ce conventus, l'approvisionnement de Rome et des camps des Limes. Il est par ailleurs possible que ce système ait assuré des revenus à ces cités, destinés à financer la stabilisation, l'entretien des berges, ainsi que la navigabilité du fleuve, dans une zone qui peut être considérée comme la plus difficile à maintenir en état, en raison de sa situation géographique qui l'exposait aux crues et aux modifications du tracé du fleuve. Enfin, on peut considérer, comme nous y invite la lecture d'une partie des timbres, que des particuliers, producteurs d'amphores, aient investi dans la construction de bâtiments de stockage, phénomène bien connu à bien plus grande échelle à Rome, dans la zone de l'Emporium, où se trouvait un certain nombre d'oreas privés, accueillant d'ailleurs une partie des amphores à huile de l'Urbs. Il reste à présent à développer un programme de recherche qui permettrait, grâce notamment à des prospections géophysiques menées sur de grandes surfaces, de localiser les entrepôts et d'appréhender la structure physique de ces entités complexes révélées par les timbres sur Dresselvin. Je vous remercie de votre attention. Grazie per questa relazione che ha mostrato l'eccezionalità di questo sito di depositi di materiale ceramico utilizzato per conservare il materiale legato alla navigazione, che ha un'estensione veramente eccezionale, come il relatore ci ha mostrato. Quindi se effettivamente questo primato sarebbe da comprendere se è legato ai siti di produzione o anche, non mi è stato chiaro questo, questa enorme estensione per i siti di produzione o per i depositi collegati all'uso successivo. No, mi pare che l'enorme estensione di questo sito, anche più grande del testaccio, che insomma è un sito di deposito, è collegato alla produzione, non allo scarto. Sono due. Oui. Est-ce que ce site, mais je ne sais pas de quel il est question, parce que vous en avez montré plein, qui est énorme, celui de la Catria, simplement à des productions écartées ou bien à la production ou bien à un dépotoir. Questi grandi depositi, the question is, such great deposits are linked to the building. Depositi sono i magazzini oppure, no, oppure tipo testaccio scarico? Non ho capito, i depositi. Nel sito archeologico si trova questo materiale ceramico sparso in un'estensione enorme. Non mi è stato chiaro, forse per un problema anche di lingua, non so, reciproco. Se questo è legato alla produzione ceramica collegata alla navigazione o al deposito successivo dopo l'uso, perché io mi... Mi immagino... C'est découverte sur des superficies étendues de matériel. Est-ce que c'est du matériel qui partait pour être exporté, lié à la navigation, ou bien est-ce que c'est du dépôt, effectivement, donc du type testaccio, après utilisation des dépotoirs, voilà. Oui, eh bien, sur le Guadalquivir, les ateliers sont... Enfin, les amphores sont destinées à être exportées, mais il y a inévitablement de la casse dans les ateliers, et donc il existe également des dépotoirs sur tous les ateliers. Ah non, insomma, sì. Tutte e due. L'uso è per l'esporto, però ovviamente quando tu fai delle anfore, certe si rompono, quindi trovi anche lo scarto accanto alla fabbricazione di anfore che se ne vanno. Bueno, in primo luogo le felicito per la presentazione, è un tema complesso, evidentemente molto complesso, e ha fatto una sintesi estupenda, aportando además, ¿no?, nuevas perspectivas. No sé si voy a acabar en una pregunta o en una reflexión, porque no lo tengo claro todavía, pero el aspecto que se trata, que está muy vinculado a la producción del envase y no tanto al lugar que se cita en el sello, que se relaciona, no sé si me entiende bien, con el significado polisémico de la estampilla, ¿no?, del sello, muy diverso, ¿no? Pero yo creo que sería conveniente hacer una comparación. En primer lugar, creo que el tema se ha tratado desde la perspectiva de la producción anfórica, del carácter, del significado jurídico del término, del destino del envase, y que ese planteamiento más geográfico en relación con el río, con el lugar de ubicación, dónde está el puerto, dónde está el ámbito de producción, puede dar un nuevo enfoque, una nueva perspectiva al análisis del problema. Ha citado, creo haber visto, que se refiere al Portus de Arba, al Portus de Carmo y al Portus de Oducia. Oducia son las... Una primera pregunta es, que yo no recuerdo, la distribución, porque esto es el ámbito de producción del envase. ¿Qué tenemos atestiguado en la distribución de estas estampillas? Llega testacho, me imagino. Está documentado el testacho. Sí. Esta grafía de la estampilla con la abreviatura de Portus. ¿Hay alguna diferencia entre la distribución general del aceite bético que porta el término puerto? No, il n'y a aucune différence. enfin, les timbres doivent être compris au sein de l'atelier, et donc ça n'a aucune influence dans la... Qu'il y ait le timbre portu sur une amphore ne va pas changer son parcours par rapport à d'autres amphores. Il s'agit vraiment de comprendre les timbres au sein de la sphère de production, et donc la destination de ces amphores où apparaît le timbre portus n'importe peu, et d'ailleurs on le retrouve pas uniquement sur le testaccio, on le retrouve partout dans la partie nord-occidentale de l'Europe, de l'Empire romain. Porque porcentualmente es pequeña la proporción de tigres. Si, c'est seulement 5%, mais ça, oui, parce qu'il a été timbré entre 70 et le 3e siècle, et on constate qu'il a été surtout timbré entre 70 et le milieu du 2e siècle après Jésus-Christ. Après, il y a une baisse du terme. L'autre question est que, comparándolo con el corpus epigráfico de los envases que portan las alazones de pescado de la costa, no se utiliza el mismo sistema de registro epigráfico, no aparece por ningún lado esta alusión al puerto. Entiendo que porque no son productos anonarios. Y cuando se trata del vino del territorio del Bajo Guadalquivir, que apenas tiene hábito epigráfico, por lo que sabemos hasta ahora, el sellado de ánforas, tampoco aparece el término. Pero, sin embargo, le pregunto, ¿tiene alguna relación esta expresión de portus arva, portus oducia, portus carmo, con la epigrafía de las olearias africanas, donde se menciona a la colonia Adrumentum, por buscar un elemento, un paralelo que pudiera explicar el significado del aceite envasado? Y con esto termino. Je ne reviens pas d'avoir trouvé une excuse pour parler de briques, parce que concernant le fameux Portus Lichini, les bricologues qu'on est, on a beaucoup réfléchi, et dernièrement, un workshop qui a été dédié, une partie des discussions a été beaucoup spécialisée dans cette interprétation, et on est arrivé à une conclusion en fait assez articulée qui peut-être peut vous intéresser. Donc on a cette production concentrée de briques, et notamment liée aux chantiers impériaux dans la zone d'Orté, donc à 60 km de Rome, où récemment des collègues italiens ont fait des découvertes archéologiques de fours. Très peu d'entrepôts. Il faut faire attention à chercher des entrepôts dans ces zones où justement il y a l'argile, il y a le bois, etc. Beaucoup d'établissements ont été réalisés en bois. Donc à part les fours, on a peu de traces archéologiques. Ça, c'est un point. Et en fait, ces timbres qu'on retrouve avec, par exemple, Portus Lichini, qui est donc plus époque sévérienne, qu'on retrouve dans les grands monuments, les Palatins, Thermes de Caracalla, on a finalement deux endroits où on peut imaginer avoir une concentration. Un stockage primaire qui est sur le lieu de production ou à proximité des lieux de production, qui pourrait être donc ce territoire de Statonia autour d'Orté, et un stockage secondaire qui était celui avant l'utilisation dans les chantiers directement, et on croit énormément en fait à ce qu'on a secondaire systématique des briques avant d'être acheminées vers les chantiers, qui pour le cas de Portus Lichini pourrait se situer dans la partie sud de la basilica San Paolo près à travers une l'interprétation d'utilisation de bipédales neufs de la catacombe de Santa Tecla, mais je rentre pas dans les détails. Simplement pour vous dire que actuellement, ce qu'on est en train de penser, c'est que Portus Lichini, c'est pas un entrepôt, c'est en fait toute une organisation qui est liée évidemment avec et très très important. Dans les entrepôts où il y avait des timbres de Portus Lichini, il y avait aussi d'autres timbres. Donc ça veut dire qu'il y a un mélange de production. Et donc on pense que le territoire de Statonia a regroupé des productions. Il y avait tout le système donc d'organisation d'envoi vers Rome, et il y avait aussi le même système toujours lié de réception à Rome, d'acheminement vers les entrepôts, et peut-être aussi jusqu'à la destination finale qui était celle des chantiers impériaux. Donc peut-être qu'on est dans un système plus complexe, et vous avez justement parlé de stockage primaire des amphores avant d'organiser la navigation. Ça va tout à fait dans cet esprit. Oui, c'est un parallèle. Voilà. Et je vous rappelle, au niveau des entrepôts, on en cherche dans la vallée, et on n'en trouve pas parce que beaucoup de choses étaient en bois, parce qu'il y avait beaucoup de bois. Et voilà. Merci beaucoup pour votre communication qui a présenté de façon très claire une explication qu'on cherche depuis longtemps. On voudrait croire qu'elle est vraie et elle est probablement beaucoup plus vraisemblable, rendue beaucoup plus vraisemblable par le fait que pour la première fois, vous intégrez toutes les données, on l'a bien vu dans votre présentation. Alors je voulais aussi souligner le travail remarquable que fait l'équipe de Stéphane Monet dans la vallée du Guadalquivir, du Rhénil. Et pour remettre en perspective ce que vous avez dit avec le thème qui est la circulation sur les voies d'eau, j'avais une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, est-ce que vous avez trouvé des traces matérielles ou autres du transport de ces amphores? Parce qu'on a parlé, on sait bien qu'elles circulaient par voie d'eau au moins jusqu'à Hispalis, où elles étaient regroupées pour repartir sur les grands bateaux, j'imagine. Est-ce qu'il y a des traces matérielles d'embarcadères, voire même de bateaux, d'embarcations? Non, pas vraiment. Hier, c'est Isabelle qui a parlé sur les canaux du Guadalquivir, qui a montré quelques images de digues, de possibles embarcadères, mais il n'y a pas eu de fouilles, il n'y a rien eu. Et Rémessal pense plutôt qu'il s'agit de moulins médiévaux, donc il n'y a rien de garanti. Il y a peut-être la structure d'Aligueron, mais elle serait plus rattachée à la ville de Kelty qu'à un atelier. Mais pour les ateliers, non. Et les embarcations, il ne me semble pas qu'on en ait retrouvé. Enfin, il y a, à Puebla del Rio, il me semble que Michel Poncich avait noté la découverte d'une embarcation, mais elle n'a pas été étudiée. Il pourrait s'agir également d'une embarcation moderne, ouais. Plutôt moderne. Mais il n'y a aucune trace et aucune information dans la moyenne vallée du Guadalquivir. Les collègues espagnols vont bientôt retrouver, je pense. Juste une question aussi, toujours pour comprendre l'organisation, de comment ça pouvait fonctionner, toutes ces figuelines et aussi le système de production-exportation, pour rebondir aussi sur ce que disait Evelyne, au niveau des villas, de la production oléicole, hein, vous avez réussi à avoir une idée de la distribution des villas par rapport à ces ateliers, à comprendre si ça pouvait fonctionner, comment fonctionnaient les figuelines, hein, par rapport éventuellement à des domaines où on est encore à un niveau embryonnaire? Non, pour de l'instant, c'est un travail préliminaire. Je suis encore en master, mais pour la thèse, c'est envisagé de travailler justement sur le rapport entre les villas et ces ateliers. Mais on connaît des lieux de villas ou des pressoirs? Est-ce qu'on a des données l'aspect habitat ou production par le biais des pressoirs ou des structures de production? On a quelques données, oui, sur certaines villas qui sont plus à l'intérieur des terres où est produit l'huile d'olive. Et dernièrement, la fouille de Las Delicias a montré qu'il sur un atelier, il y avait une huilerie, donc une production d'huile au sein d'un atelier. Donc il faudrait compléter. Pour comprendre si les figelines sont liées à chaque fois à un domaine ou si c'est plusieurs ateliers pour un même domaine. Enfin, c'est intéressant par rapport à vos questions de propriété. Et également, si par rapport à la gestion de l'environnement aussi, qui est très importante, vu qu'on se rend compte que l'huilerie qui apparaît à Las Delicias apparaît au 3e siècle, parce qu'on réutilise des noyaux d'olive pour alimenter les fours, parce que justement le petit bois a été consommé durant les siècles précédents. Allora, c'è un'ultima domanda, poi prego. I'm sorry, I'm going to speak in English because I'm not able to speak in Italian or French properly. Is that fine? Yes. Yeah. Coming to what Marie-Brigitte was explaining about examples of ships in the Guadalquivir, as you mentioned, unfortunately there is none. We don't have any example. But what we know is that these type of ships will be flat bottom, and one of the characteristic of having a flat bottom barge is that, and I think that not many people pay attention to that, is that in order to anchor one of these barges, you just need a flat surface. You just need a beach, a sandy beach. The term port doesn't imply that you need infrastructures when you use that type of ships. You just need a flat surface. So the fact that you don't find any physical remains doesn't mean that there was not a port there. You have to understand port as a place where you stop and then you put your cargo in and then you move your cargo out. So I personally consider that those places were ports in the sense that they were used to transport cargo. But those places has no physical remains of those ports. J'ai pas tout compris. C'est simplement dire que le terme de port, portus, oui. Ça peut aussi effectivement désigner, vous allez me dire si je me trompe, des endroits où les bateaux, enfin des ports, mais des ports pas au sens construit du terme, parce que ces bateaux sont des bateaux à fond plat et qu'il leur suffit d'une surface plane pour charger leur cargaison et pour repartir. Donc voilà, c'était pour apporter, d'accord, je crois, une contribution, si j'ai bien compris, à cette réflexion autour du fameux terme portus. C'est, si vous n'avez pas trouvé de construction, oui, ça ne veut sûr, pas dire qu'il n'y avait non, pas... Non, bien sûr, c'est certainement des constructions en bois, avec des pieux. C'est, aujourd'hui encore, on... Il n'y a pas besoin que ce soit construit, c'est des barges à fond plat. Bon, on n'en a pas parlé parce qu'on parle surtout des fleuves, mais effectivement, dans le monde antique, il y a bien des endroits, à mon avis, alors tout le monde n'est pas d'accord, j'en discute souvent avec André Tchernia, qui n'est pas forcément d'accord, mais il y a bien des endroits où, en réalité, on le voit encore à l'époque moderne, au XVIe siècle, j'en avais parlé aussi avec Gilbert Buty, les bateaux étaient tirés sur la plage. Voilà, tout simplement. On avait dit que c'était la dernière question.